bro. I'm trying to go somewhere. If you trying to go somewhere, oh shit, this week taking me. This week taking me to Paris. Paris. That's where it's taking me. Oh shit. Oh shit. It's getting to my mind. Oh, it's like chaos. Chaos? What do you mean chaos? D'humeur, donc fais-moi rire. Ouais, je rebeu, t'as pris des pecs. Tu parles mal avec ton bec. T'as la vingtaine, fais pas l'ancêtre. Je ferai du sale, tu vas me balancer. C'est de la preuve, les yens qu'ils disent. Je frappe tes seins juste pour une 10. Je te plais, mais tu résistes. Dans tes yeux, je vois que j'existe. Plus d'oseille sans parapluie. Remplis mes poches, c'est de la mif. Rolex avant 25 ans. J'ai mis tapis et joue la plus, mif. J'arrête le bédo, ça m'a matrixé. Je fume plus, j'arrête le bédo, ça m'a matrixé. Je fume plus, j'arrête le bédo. Ça m'a matrixé, j'fume plus, j'arrête le bédo, ça m'a matrixé. Billets violets verts, j'ai changé ma routine. J'ai toujours de la verte calée pour les groupies. Billets violets verts, j'ai changé ma routine. J'ai toujours de la verte calée pour les groupies. J'parle pas pour rien, j'parle de prison, j'parle de test. J'parle de bibi, j'parle de mille, parle de cesse. J'perds la tête parce que je fume, j'perds la tête parce que je fume. Lève la tête quand tu me suces, grosse paire de fesses on assume. Tu te souviens le petit rebeu qui galérait seul sous un porche. À 6h du matin le départ, une brigade et la torche. Roule un bédo dans la rue, j'ai pas une thune. C'est pas magique, parie-tu, j'étais scotché sur le bitume. It's the cereal before the milk. Non, j'ai pas frère.